Exercice 4, page 68. Heureuse, peureuse, eux deux, mieux que. Photo, moto, auto, promo. Roqueuse, boxeuse, voleuse, bosseuse. Peugeot, pseudo, deux mots. Euros.